Nous sommes le 1er janvier 2021. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal, la toute première grande édition de cette année dont voici l'essentiel. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, déplore qu'il y ait encore des Burundais qui malmènent ses frères. Le président burundais trouve qu'il faut une collaboration entre la population et les forces de l'ordre. Vous l'entendrez tout au début de cette édition. Et l'archevêque du diocèse de Bujumbura plaide pour une paix durable. Et pour y arriver, il ne faut pas que certains gens s'accaparent de toute la richesse. Et dans cette édition, on vous parlera également de l'ambiance qui a régné à Gitega, la capitale politique, lors de la célébration de la fête du Nouvel An. Et à Bujumbura, comment les citadins sont en train de célébrer cette fête. Voilà pour l'essentiel. Albert Ndouayou assure la mise en onde. À la présentation, vous êtes avec Moïse Misago. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, c'est triste de voir qu'il y ait encore des Burundais qui malmènent leurs frères, raison pour laquelle il faut renforcer le cadre de collaboration entre les forces de l'ordre et la population. Dans son discours à la Nation de ce 31 décembre 2020, le président burundais Évariste Ndayishimiye a affirmé que la sécurité a connu une certaine amélioration. Il revient également sur les relations internationales. Suivez-les dans la traduction française de Omer Ndouayou. Il y a quelques jours, les relations entre le Burundi et certains pays et avec la communauté internationale ont été entachées par une certaine domination de certains pays. Ceci a fait qu'il y ait des groupes de terroristes renforcés par ces mauvaises relations. Mais aujourd'hui, il y a une amélioration. C'est ce qui nous donne de la force pour continuer à participer dans des missions de maintien de la paix, notamment en Somalie et en Afrique centrale. À l'intérieur du pays, en matière de sécurité, l'État fait tout ce qui est en son pouvoir pour sécuriser la population. Nous sommes attristés de voir qu'il y ait encore des Burundais torturés par leurs frères. C'est pour cela que nous nous sommes engagés de renforcer le travail en synergie. Forces de l'ordre et la population pour qu'il n'y ait pas de malfaiteurs qui puissent tromper notre vigilance. Dans ce discours à la Nation, le numéro 1 burundais a précisé que l'Office burundais des recettes OBR a collecté cette année plus de 1600 milliards de nos francs contre 990 milliards de l'année antérieure. Suivez-les traduits en français cette fois-ci par Armel Mutore. Dans le domaine de l'économie, on a enregistré une hausse des taxes et impôts suite à l'augmentation des activités privées de la part des entrepreneurs. Cela est aussi le résultat d'un bon travail des services qui sont chargés de la collecte de l'impôt et des taxes. Et le changement de mentalité et la bonne disposition des contribuables à payer l'impôt et les taxes. Cette année, l'Office burundais des recettes OBR a perçu environ 1601 milliards, tandis que l'année passée, le résultat était de seulement 990 milliards, c'est-à-dire une hausse de 71 milliards. Représentant une augmentation de 7%. L'autre raison qui explique cette performance, c'est la lutte contre le commerce frauduleux, la baisse de la corruption et les malversations économiques suite au changement de comportement de certains. Cela a permis à l'État de couvrir 90% du budget national. Si nous continuons sur cette lancée, nous voyons que l'État pourra à l'avenir financer son budget annuel sans faire recours au crédit bancaire. Et dans son homélie ce vendredi, l'archevêque du diocèse catholique de Bujumbura, Gervais Banchimiwusa, est revenu sur le souhait du pape Francis pour avoir une paix durable. Selon lui, pour avoir une paix durable, il ne faut pas qu'il y ait ceux qui s'accaparent de richesses et que les autres croupissent dans une misère extrême. Suivez l'extrait de l'homélie de l'archevêque du diocèse catholique de Bujumbura, traduit en français par Didier Nyonzima. Au cours des bénédictions de cette année de 2021, le pape Francis a dit « Si vous voulez une paix durable dans votre milieu, il faut avoir de bons comportements envers des uns et des autres. Que chacun ait des préoccupations envers l'autre, surtout avec des gens de faible rang social. En ce moment, on est en train de bâtir une paix durable. Le pape est frappé par le comportement des gens ou des pays qui s'accaparent de toute la richesse et par conséquent, on trouve une poignée de gens qui détient la richesse de tout le pays. Si nous voulons une paix durable, il faut regarder qu'ici au Burundi, il n'y a pas une situation pareille où peu de gens s'enrichissent davantage et que les autres croupissent dans une misère extrême. Si une telle situation advient, elle peut constituer une grande entrave à la paix durable. Dans notre pays, si nous arrivons à un stade où une poignée de gens possèdent beaucoup de richesses et que les autres restent dans la pauvreté extrême, nous n'aurons pas de paix durable. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h03 minutes, poursuivant cette édition, les habitants de la ville de Bujumbura se sont joints aux autres du monde entier pour fêter le nouvel an de 2021. Ceux qui sont exprimés au micro de la radio Isanganiro indiquent qu'ils vont préférer commencer la nouvelle année de 2021 dans les veillées de prière, tandis que d'autres se sont souhaités les meilleurs vœux de l'année. En famille, suivez-le. Bonne année 2020 était bien parce que la sécurité était généralement bonne dans la salle de prière, dans les cabarets, etc., etc. Nous avons eu l'occasion de partager avec la famille, les enfants et les voisins, c'était bon. Nous avons eu l'occasion d'aller dans les églises pour prier. Nous avons célébré bonne année 2021 un peu très bien. Comme nous sommes des chrétiens, nous avons passé à l'église pour louer notre Dieu. Et puis nous avons rentré à la maison parce que ce matin, comme d'habitude, nous passerons au travail. Avant tout, vraiment, on remercie le bon Dieu parce que c'est bien lui qui fait des impossibles pour qu'ils soient possibles. Vraiment, c'était passé tellement très, très bien. Je remercie d'abord les agents de l'ordre. Ils ont bien travaillé leur métier pour assurer la sécurité. Nous étions tellement très, très, très bien, avec beaucoup de joie. C'était passé tellement très bien. Moi, vraiment, de ma part, comme nous sommes déjà des chrétiens, j'étais allé célébrer dans les messes. Dans la famille, nous tous, avec des enfants, avec mon grand-père et toute la famille, c'était passé tellement très bien. Parce que tu sais, bien vivre, c'était un cadeau. On a partagé, dansé aussi. Et parce que ce 2020-là, c'était catastrophe pour nous. Bon, 2020, c'était passé avec beaucoup de macadamisés, là. Des choses d'élection, de quoi. Pour le moment, on a de nouveaux présidents. Nous sommes tellement très, très fiers avec lui. Nous, les Burundais, nous sommes très unis. Vraiment, on remercie vraiment les bons dieux. Saint-Débris, vraiment, c'était passé tellement très bien, malgré toutes les tragédies qu'on a passées. Et à Gitega, au centre du pays, dans le cadre de la célébration de la fête du Nouvel An de 2021, certaines églises, tant catholiques que protestantes, ont organisé des prières nocturnes dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Parallèlement à ces prières, les amateurs de la danse se sont amusés dans les boîtes de nuit situées dans la ville de cette province. Et pour boucler cette édition, 23 nouveaux nés jetés dans les caniveaux et buissons ont été récupérés par l'orphelinat de Sœurs missionnaires de Marie, mère de la réconciliation de Nyabiharage en ville de Gitega. Ces chiffres ont été fournis l'après-midi de ce jeudi quand le centre médical 5 à 1000 de Gitega effectuait un camp médical pour consulter et traiter gratuitement ces orphelins fidèles d'Antoine Nsabimana. Comme le dit Sœur Miburu Godelive de la Congrégation Marie, Mère de la Réconciliation de Nyabiharage, patronne de l'orphelinat Kezakimana, cet orphelinat a pu récupérer 23 nouveaux-nés jetés soit dans des caniveaux ou des fosses durant toute l'année écoulée. Selon cette sœur, ces enfants sont retrouvés dans des situations critiques. Parmi eux, nous les trouvons dans des situations vraiment désespérées. Il y a ceux que nous trouvons déjà avec des fourmis rouges qui les rongent déjà. Et puis aussi, il y a d'autres sous la pluie. Par exemple, celle que nous avons eue dimanche, il était dans un caniveau et il y avait des fourmis rouges. L'enfant a passé plus de 12 heures sans bouger. Il y a aussi des enfants que nous avons eus qui sont sortis dans une toilette. Il a été dans une toilette de 12 mètres. Ces chiffres ont été publiés quand le centre médical Saint-Camille de Châtagnat a associé à l'organisation Erka Service, s'est joint à ses orphelins pour les souhaiter les vœux de Noël et du Nouvel An. Ça a été l'occasion pour l'audit centre de faire des consultations et traitements gratuits à ses orphelins et une occasion pour Erka Service de les divertir. Docteur Didier Barumete parlait pour le compte de ce duo. Il y a des enfants effectivement qui ont des maladies chroniques. On a pu traiter quelques-unes. On a aussi voulu faire des activités de prévention pour que ces maladies chroniques, pour que ces maladies ne puissent pas revenir à l'avenir. Satisfaction pour la sœur responsable qui salue l'initiative des 10 organisations. Et depuis la création de ce centre, depuis 1999, on n'avait jamais vécu cet événement. Une équipe de médecins qui a consulté tous les enfants et qui ont donné des médicaments. Je ne saurais pas comment extérioriser ma joie. Il n'y a pas de consultation gratuite. Même les enfants les plus malades, les mal nourris, leur action ne s'était pas arrêter à ça, cet divertissement. Alors, on ne pouvait pas imaginer, on ne pouvait penser que nos enfants ont des talents comme nous l'avons remarqué. Docteur Didier Barumete promet d'être toujours prêt à l'orphelinat, que ce soit à côté médical ou divertissement. On a remarqué que ces enfants ont besoin d'une assistance médicale. C'est pour cela qu'on a décidé, on a même promis qu'on va revenir, non seulement pour les fêtes, on va revenir, on va s'organiser, on va dire. Par exemple, on va dire chaque mois, on va revenir pour faire des consultations, pour leur aider dans les actes médicaux, aussi dans les loisirs, effectivement, avec l'institution RK Services. Cette cérémonie de vœux de Noël et du Nouvel An avait été rehaussée par l'archevêque de l'archidiocèse de Gitega, Simon Namwana. Merci, fidèle d'Antoine Nsabimana, pour tous ces détails. Et voilà, chers auditeurs, à 13h10, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouayo pour sa parfaite collaboration technique. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Au revoir.